Bah vas-y, mais va te changer déjà. Quand tu vas arriver, tu sais très bien ce qu'il va faire. Allez, allez, venez, va nous presser. Je vais partir chez ma paire de pompe là, attends. Je suis parti voir le pelo pour qu'il me passe sa paire de pompe là, je vais chez moi, c'est fric frac, c'est 5 minutes. De toute façon, avec vous, c'est ouais, toujours comme ça. Hein. Toujours en retard, toujours là, toujours si, toujours il y a des. Il faut se poudrer le museau, l'autre il doit se maquiller. Bah regarde, Chab, il est là, regarde, voilà. Vas-y, appelle-le, il va me poser chez moi, vas-y. Tu pleures pour rien, wesh. Vas-y, viens, rebâche, Chab. Rien à voir. Vas-y, bâche. Ouais, j'allais, qu'est-ce que vous faites là? Vas-y, montez vite, allez, montez, allez. Attends, mais qui se t'écoute là? Vas-y, viens, t'inquiète pas, vas-y, viens, t'es sous commission, vas-y, viens, bon. En fait, tout est clair. Elle fait sa mère, la chemise de bichon. En brioche, en pot de brioche. Vas-y, allez, montez, vas-y, je suis pas prêt là. Voilà, vas-y, allez, montez. Grandir en pleine jungle, ça laisse des traces. Là où les papillons ne volent plus, où les hyènes sont à l'affût, l'atmosphère est lourde comme du plomb. Ici les mômes de 10 ans ont la cervelle qui déporte le plomb. La verdure s'est fait bouffer par les graphes. Sur les murs, les chants d'oiseaux balayés par les basses. Grâce des baffes qui font vibrer, vibrer les blocs, swinguer les chances, grogner les rocks. Au balcon, les membres de poing débloquent. La nuit tombée, les cylindres se mettent à ronfler, exalter. Les gosses se mettent à rêvasser, tourner crapuleusement dans un janté avec du bon son. Ça fait frissonner. Les anciens s'inventent des villes, mamas du coin de l'œil surveillent leurs grandes filles, réfléchissent, misent gros pour caser leurs fils, non pas pour sortir les crocs à ceux qui bavent trop. Les courants d'air sont épuisés, parfois faillés, les allées marquées par la diversité, certes. Mais ici tous répondent de la même classe, tous trim avancent avec peine et ça, ça m'embarrasse. On avance avec nos points pour tenir la pression. Aujourd'hui comme demain faut tenir la pression. On vit tous dans le pétrin parce qu'on nous met la pression. La tête dans un sac, prisonnier dans un cul-de-sac. Ici personne ne va la marquer. Des couteaux dans l'océan, personne ne se fait remarquer. Quand on parle de nous, c'est d'animaux en meute. C'est pour parler de deals de braquage ou d'émeute. Des prénoms gravés à la pointe d'un couteau sur les murs, marqués par l'histoire. Avant travaux d'intérêts généraux, des parents qui payent des factures, des chantiers qui effacent des souvenirs, mais pas la fracture. Ici tout est statique, pas de travail, rien que ça rouille, rien que ça taille, rien dans les fouilles, rien que ça part de paille, rien que ça squatte, rien que ça part en couille, rien que ça braille, pagaille, canaille, pour rien ça s'embrouille. Tu nais dans le quartier, t'es élevé dans le quartier, premier amour dans le quartier, tu te maries dans le quartier, fais des gosses dans le quartier, au chômage dans le quartier, tu vieillis dans le quartier, puis tu crèves dans le quartier. Qui es-tu? Un prénom sur un mur parmi tant d'autres. Que fais-tu? Pas grand chose parmi tant d'autres. Où vas-tu? Ici accroché avec les autres. Que laisses-tu? Rien comme tous les autres. On avance avec nos points pour tenir la pression. Aujourd'hui comme demain faut tenir la pression. On vit tous dans le pétrin parce qu'on nous met la pression. La tête dans un sac,